La radiodiffusion et télévision française vous présente par transmission différée le spectacle de la Comédie française Salle Richelieu à Paris. Dans quelques instants, vous pourrez écouter, au cours de notre transmission en première partie, Le jeu de l'amour et du hasard, comédie en trois actes en prose de Marivaux, et en deuxième partie, une comédie en trois actes en prose de Molière, Georges Dandin. Monsieur Edmoncé vous parle. Comme un certain nombre de comédies de Molière, Georges Dandin naquit au début d'une valeur et une importance fugitives. Il fut considéré tout d'abord que comme une sorte de divertissement de seconde main, si on peut dire, exécuté à l'improvisade pour former un complément de programme. Le programme des réjouissances, festivités fastueuses, offerte à Versailles par le roi Louis XIV pour célébrer la paix victorieuse de la chapelle et son irradiante ascension vers la gloire. Il fit donc appel une fois de plus à ses deux collaborateurs coutumiers Molière et Lully, chargés de ce qu'on pourrait appeler la partie spectaculaire du programme. Et Molière, cherchant un sujet plaisant et divertissant, s'arrêta à une petite farce du répertoire joué parfois par lui en province, La jalousie du barbouillé, qu'il reprend, développe, amplifie, perfectionne avec un soin minutieux et qui deviendra Georges Dandin, dont nul ne prévoyait alors que l'œuvre occuperait une place importante dans la dramaturgie moliéreste, car au milieu de tant de merveilles vouées l'enchantement de la vue des oreilles et des sens, jardin illuminé, grotte de verdure, édifice à colonnades, statues, fontaines jaillissantes, la pièce de Georges Dandin fut écoutée d'une oreille assez distraite, et ce fut au faiseur de couplets, à l'organisateur des ballets, des chants, des intermèdes scéniques, à l'air le lendemain des éloges enthousiastes. La pièce n'attit son vrai caractère que quelques mois plus tard, lorsque dépouillée de tant de vains ornements, elle fut représentée sur la scène du Palais Royal. Ce caractère était alors celui d'une farce, et l'on ne s'avisa guère en ce temps-là d'en chercher, d'en souligner l'âpreté, la mélancolie et l'amertume. À la vérité, cette mélancolie et cette amertume, elles ne transparaissent, vous le verrez, que de façon assez fugitive. Pour qu'il en fût différemment, il eut fallu que Molière, négligeant pas comme il le fit, de peindre à la base l'aventure, la nature même, la sévérité profonde de son Dandin, cette sorte de paysan parvenu qui, tout de même, avant de déplorer naïvement comme il le fait, quand il est déjà bien plus tard, d'avoir voulu s'élever au-dessus de sa condition en épousant une demoiselle, n'en a pas moins fait tout ce qu'il fallait, par vanité orgueilleuse, pour pénétrer, grâce à ses écus, dans une noble famille. Molière l'a précipité, ce personnage sur le champ, dans une cascade de péripéties cocasses et un peu burlesques, mais reconnaissant du moins que la guignolade, la farce de haut goût qu'il nous donne et de grand style, son génie y appose sa marque, sa griffe souveraine en main endroit. Si Dandin, comme l'écrivit judicieusement Pierre Brisson, nous apparaît un peu sans visage, sans souffle et sans mystère, s'il est impossible d'analyser son enfance, sa jeunesse, de le voir gouvernant son bien, de le rattacher à un passé ou de prévoir son avenir, il y a malgré tout dans ce drame, dans cette pièce, un sujet d'une tristesse affreuse. Le drame de l'impasse, le pauvre Dandin fonce à droite et à gauche. Il ne veut cogner contre les murs, sa pauvre tête ahurie, l'œil hagard et contemplant sans force des obstacles insurmontables. S'il découvrait, comme il le dit, sa femme couchée avec Clitandre, son galant, il aurait encore tort. Il aura toujours tort et aura tort jusqu'à la fin des temps. Ce qui est admirable, c'est que le personnage, se débattant ainsi dans une situation presque unique, Molière, par son génie inventif, trouve le moyen de la renouveler, de la diversifier à trois prises, de créer une gradation, une amplification tragicomique qui fait que l'intérêt de la pièce s'accroît d'acte en acte jusqu'au dénouement. Et puis, il y a, formant escorte de l'énorme fantoche, les silhouettes admirables des deux Sotanville, si finement esquissées, si spirituellement représentatives des nobliaux de province, parents un peu de la comtesse d'Estarbagnas. Et il y a cette féroce petite Angélique, si exquise en dépit de sa férocité, jeune chatte faisant ses griffes féminines, le fruit un peu amer, pour Molière de 6 ans déjà de douloureuses expériences conjugales. Le jeu de l'amour et du hasard accompagnera ce soir sur l'affiche Georges Dandin, si vous n'ignorez pas le chef-d'œuvre de Marivaux. Marivaux, si longtemps méconnu de son vivant, et même après sa mort, victime un peu du petit mot marivaudage, accolé à son nom et à son œuvre, et dont Voltaire disait qu'il pesait des jeux de mouches dans des toiles d'araignées. Or, ces toiles d'araignées et ces jeux de mouches étaient des comédies d'une acuité, d'une diversité, d'une audace révolutionnaire souvent, au point de vue humain, au point de vue social, et où Marivaux, comme Beaumarchais, s'avère prévisionnaire des changements et bouleversements en formation. Cette audace quasi-révolutionnaire, elle transparaît dans cet exquis et troublant jeu de l'amour et du hasard, dont les deux héros, un jeune homme et une jeune fille de noble condition, pour avoir revêtu par divertissement le déguisement l'un d'un valet, l'autre d'une soubrette, semblent bien la désavouer, l'abolir, cette condition, au profit de l'amour, germant soudain en leur cœur. Car de leur désir sensuel, et bien plutôt, comme on l'a dit trop souvent, que c'était là le jeu de la tendresse et de l'arbitraire dramatique, c'est en réalité le jeu de la sensualité naissante et de la passion soudainement séchaînée, ces deux êtres jeunes et beaux. Mesdames, Messieurs, vous avez entendu M. Edmond C. Voici quelle sera l'interprétation du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Maurice Escande, Orgon. Jean-Pierre Pasquin. Pierre Gallon, Mario. Bernard Dérand, Dorante. Avec Gisèle Casatsu, Lisette. Moni Dalmès, Sylvia. Et M. Dancourt, un domestique. Mise en scène de Maurice Escande. Si vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie, si vous en avez quelque joie. Moi, je lui réponds oui, cela va tout de suite. Il n'y a peut-être que vous, deux filles au monde, pour qui ce oui-là ne soit pas vrai. Le non n'est pas naturel. Le non n'est pas naturel. Quelle sotte naïveté. Le mariage aurait donc le grand charme pour vous. Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Oh, taisez-vous, allez répondre à vos impertinences ailleurs. Et sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne? Je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Si j'étais votre égale, nous verrions. Vous travaillez sans me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessein. Mais, dans le fond, voyons, quel mal ai-je fait de dire à M. Orgon que vous étiez bien aise d'être mariée? Mais premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant, parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine? Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point. Et cela m'inquiète. On dit que votre futur est un des plus honnêtes hommes du monde. Qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on ne peut avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse? Oh, délicieuse! Que tu es folle avec tes expressions! Ma foi, madame, c'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les formes. Et il n'y a presque point de fille, s'il lui faisait la cour, qui ne fût en danger de l'épouser sans cérémonie. Aimable, bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour. Sociable et spirituel, voilà pour l'entretien de la société. Pardi, tout en sera bon dans cet homme-là. L'utile et l'agréable, tout s'y trouve. Oui, dans le portrait que tu en fais. Et on dit qu'il y ressemble. Mais c'est un on dit. Et je pourrais bien être pas de ce sentiment-là, moi. Il est bel homme, dit-on. Et c'est presque tant pis. Tant pis? Tant pis? Mais voilà une pensée bien hétéroclite. C'est une pensée de très bon sens, volontiers. Un bel homme est fat, je l'ai remarqué. Oh, il a tort d'être fat, mais il a raison d'être beau. On ajoute qu'il est bien fait. Pense. Oui, da, cela est pardonnable. De beauté et de bonne mine, je l'en dispense. Ce sont là des agréments superflus. Vertu chou, si je me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. Alors, tu ne sais ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent d'affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je lui demande qu'un bon caractère, et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. On loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu avec lui? Les hommes ne se contrefont-ils pas?

et je prendrai la sienne. Son idée est plaisante. Laisse-moi rêver un peu à ce que tu me dis là. Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien singulier. Elle ne s'y attend pas elle-même. Soit, mon enfant, je te permets le déguisement. Es-tu bien sûr de pouvoir soutenir le tien, Lisette? Moi, monsieur, vous savez qui je suis. Essayez de m'en compter et manquez de respect si vous l'osez. À cette contenance si bon, l'échantillon des bons airs avec lesquels je vous attends. Quand dites-vous, retrouvez-vous Lisette? Comment donc, je m'y trompe actuellement moi-même? Mais il n'y a pas de temps à perdre. Va t'ajuster suivant ton rôle. Dorante peut nous surprendre. Hâtez-vous et qu'on donne le mot à toute la maison. Il ne me faut presque qu'un tablier. Et moi, je vais à ma toilette. Venez m'y coiffer, Lisette, pour vous accoutumer à vos fonctions. Un peu d'attention à votre service, s'il vous plaît. Je suis contente. Marquise, marche. Ma sœur, je te félicite de la nouvelle que j'apprends. Nous allons voir ton amant, dit-on. Mon frère, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter. J'ai des affaires sérieuses et mon père. Oui, ne l'abusez point, Mario, venez, vous aurez le prêt de sa vie. Qu'y a-t-il de nouveau, monsieur? Je commence par vous recommander d'être discret au moins sur ce que je m'en vais vous dire. Je suivrai vos ordres. Nous verrons Dorante aujourd'hui, mm-hmm. mais nous ne le verrons que déguisé. Déguisé? Et viendra-t-il en partie de masque? Il viendrait-vous le bal? Écoutez l'article de la lettre du père. Voilà. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. Elle est bizarre, il en revient lui-même, mais le motif en est pardonnable et même délicat. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous mm-hmm. que sous la figure de son valet, qui de son côté fera le personnage de son maître. Ça sera plaisant. Mais attendez le reste. Mon fils sait combien l'engagement qu'il va prendre est sérieux. Il espère, dit-il, sous un déguisement de peu de durée, saisir quelques traits du caractère de notre futur et la mieux connaître, pour se régler ensuite sur ce qu'il doit faire, suivant la liberté que nous sommes convenus de leur laisser. Pour moi, qui m'en fie bien à ce que vous m'avez dit de votre aimable fille, j'ai consenti à tout, en prenant la précaution de vous avertir, quoiqu'il m'ait demandé le secret. De votre côté, vous en userez la lucie avec la future, comme vous le jugerez à propos. Voilà ce que le père décrit. Mais ce n'est pas tout. C'est que votre sœur, inquiète de son côté sur le chapitre de Dorante, dont elle ignore le secret, m'a demandé de jouer ici la même comédie. Et ça précisément pour observer Dorante, comme Dorante veut l'observer. Actuellement, la maîtresse et la suivante se travestissent. Que conseillez-vous, Mario? Avertirai-je votre sœur ou non? Non, monsieur, puisque les choses prennent ce train-là, je ne voudrais pas les déranger. Et je respecterai l'idée qui leur est venue à l'un et à l'autre. Il faudrait qu'ils se parlent souvent, tous deux, sous ce déguisement. Voyons si leur cœur ne les avertirait pas de ce qu'ils valent. Peut-être que Dorant prendra du goût pour ma sœur, toute soubrette qu'elle sera, et ça serait charmant pour elle. Nous verrons un peu comment elle se tirera d'intrigue. C'est une aventure qui ne saurait manquer de nous divertir. Je veux me trouver au début et les agacer, tous deux. Me voilà, mon père. Hey, je m'en reste grâce en femme de chambre. Et vous, mon frère, vous savez de quoi il s'agit apparemment. Comment me trouvez-vous? Ma foi, ma sœur, c'est autant de prix que le valet. Mais tu pourrais bien aussi escamoter Dorante à ta maîtresse. Et franchement, je ne haïrais pas de lui plaire. C'est le personnage que je joue. Je ne serais pas fâchée de subjuguer sa raison. De l'étourdir un peu sur la distance qu'il y aura de lui à moi. Si mes charmes font ce coup-là, ils me feront plaisir, je les estimerai. D'ailleurs, cela m'aiderait à démêler Dorante. À l'égard de son valet, je ne crains pas ses soupirs. Ils n'oseront m'aborder. Il y aura quelque chose dans ma physionomie qui inspirera plus de respect que d'amour à ce faquin-là. Allons doucement, ma sœur. Ce faquin-là sera votre égal. Il ne manquera pas de t'aimer. Eh bien, l'honneur de lui plaire ne me sera pas inutile. Les valets sont naturellement indiscrets. L'amour est babillard. Et j'en ferai l'historien de son maître. Monsieur, il vient d'arriver un domestique qui demande à vous parler. Il est suivi d'un crocheteur qui porte une valise. Qui l'entre? C'est sans doute le valet de Dorante. Valet de Dorante. Son maître peut être resté au bureau quoi faire. Où est Lisette? Lisette s'habillait devant son miroir, nous trouve très imprudent de lui livrer Dorante. Elle aura bientôt fait. Silence, on vient. Je cherche Monsieur Orton. N'est-ce pas à lui que j'ai l'honneur de faire la révérence? Oui, mon ami, c'est à lui-même.

J'en ai beaucoup à ton visage. Le tarif, où infiniras-tu? Que t'importe la prédiction puisqu'elle t'exclut? Elle n'a pas prédit que je ne t'aimerais point. Non, mais elle a dit que tu n'y gagnerais rien. Et moi, je te confirme. Tu fais fort bien, Lisette. Cette fierté-là te va à merveille. Et quoi qu'elle me fasse mon procès, je suis pourtant bien aise de t'avoir. Mais je te l'ai souhaité d'abord que je t'ai vue. Il te fallait encore cette grâce-là. Et je me console d'y perdre parce que tu y gagnes. Mais en vérité, voilà un garçon qui me surprend malgré que j'en ai... Dis-moi, qui es-tu, toi, qui me parles ainsi? Oh, le fils d'un aide Jean qui n'était pas riche. Ben, je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne et je voudrais y contribuer. La fortune a tort avec toi. Ma foi, l'amour a plus tort qu'elle. J'aimerais mieux que me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde. Et nous voici grâce au ciel en conversation réglée. Bourguignon, je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens, mais je t'en prie, changeons l'entretien. Venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense. Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi. Je me fâcherais, tu m'impatientes encore une fois, laisse-la ton amour. Quitte donc ta figure. Bon, à la fin, je crois qu'il m'amuse. Eh bien, Bourguignon, nous n'allons pas finir. Faudra-t-il que je te quitte? Je devrais déjà l'avoir fait. Mais attends, Lisette, je voulais moi-même te parler d'autre chose. Mais je ne sais plus ce que c'est. J'avais de mon côté quelque chose à te dire, mais tu m'as fait perdre mes idées aussi à moi. Ah oui, je me rappelle de t'avoir demandé si ta maîtresse te valait. Reviens à ton chemin par un détour à dire. Mais non, te dis-je, Lisette, il ne s'agit ici que de mon maître. Eh bien, soit, je voulais te parler de lui aussi, et j'espère que tu voudras bien me dire confidemment ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion. Il faut qu'il ait du mérite, puisque tu le sers. Tu me permettras peut-être de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple. Mais veux-tu bien le prendre par garde à l'imprudence que j'ai eue de le dire? Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Eh bien, fais comme tu voudras, je n'y résiste point. Je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Et moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter. Car assurément, cela est singulier. Tu as raison. Notre aventure est unique. Malgré tout ce qu'il m'a dit, je ne suis point partie. Je ne pars point. Me voilà encore et je réponds en vérité. Cela passe la raillerie, adieu. Mais achevons-nous ce que nous voulions dire. Je dis, plus de quartier. Quand ton maître sera venu, je tâcherai en faveur de ma maîtresse de le connaître par moi-même, s'il en vaut la peine. En attendant, tu vois cet appartement? C'est le vôtre. Ah, tiens, voici mon maître. Ah, te voilà, Bourguignon. Mon porte-manteau et toi, vous étiez bien reçus? Il n'était pas possible qu'on nous reçût mal, monsieur. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici, qu'on allait avertir mon beau-père qui était avec ma femme. Vous voulez dire monsieur Orgon et sa fille, sans doute, monsieur? Eh? Eh oui, mon beau-père et ma femme, autant vaut. Je viens pour épouser, ils m'attendent pour être mariés, cela est convenu. Il ne manque plus que la cérémonie, qui est une bagatelle. Une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Bourguignon, on est homme de mérite à bon marché chez vous, ce me semble. Que dites-vous là, mon valet, la belle? Rien, je lui dis seulement que je vais faire descendre monsieur Orgon. Et pourquoi ne pas dire mon beau-père, comme moi? C'est qu'il ne l'est pas encore, monsieur. Elle a raison, monsieur. Le mariage n'est pas fait. Eh bien, me voilà pour le faire. Attendez donc qu'il soit fait. Oh, pardi, voilà bien des façons pour un beau-père de la veille ou du lendemain. Oh, en effet, quelle si grande différence y a-t-il entre être marié ou ne l'être point? Oui, monsieur, oui, nous avons tort. Et je cours informer votre beau-père de votre arrivée. Et ma femme aussi, je vous prie. Mais avant que de partir, dites-moi une chose, vous qui êtes si jolie. N'êtes-vous pas la soubrette de l'hôtel? Vous l'avez dit. Oh, c'est fort bien fait, je m'en réjouis. Croyez-vous que je plaise ici? Comment me trouvez-vous? Je me trouve... plaisant. Bon, entretenez-vous dans ce sentiment-là. Il pourra trouver sa place. Vous êtes bien modeste de vous en contenter. Mais il faut qu'on ait oublié d'avertir votre beau-père, car assurément il serait venu et j'y vais. Dites-lui que je l'attends avec affection. Je le sors bizarre. Aucun de ces deux hommes n'est à sa place. Bien, monsieur, mon commencement va bien, je plais déjà à la soubrette. Plus tort que tu es. Pourquoi donc, mon entrée était si gentille? Enfin, tu m'avais tant promis de laisser là tes façons de parler sottes et triviales. Je t'avais donné de si bonnes instructions. Je ne t'avais recommandé que d'être sérieux. Ah, bah, je vois bien que tu es un étourdi de m'en être fier à toi. Mais je ferai encore mieux dans la suite. Puisque le sérieux n'est pas suffisant, je donnerai du mélancolique. Je pleurerai s'il le faut. Voulez-vous que je pleure? Je ne sais plus où j'en suis. Cette aventure-ci m'étourdit. Faut-il que je fasse? Est-ce que la fille n'est pas plaisante? Tais-toi. Voici Monsieur Orgon qui vient. Qui ça, Monsieur Orgon? Le beau-père. Mon cher monsieur, je vous demande mille pardons de vous avoir fait attendre, mais ce n'est que de cet instant que j'apprends que vous êtes ici. Monsieur, mille pardons, c'est beaucoup trop. Il n'en faut qu'un quand on n'a fait qu'une seule... qu'une faute. Au surplus, tous mes pardons sont à votre service. Je tâcherai de n'en avoir pas besoin. Vous êtes le maître et moi votre serviteur. Je vous reconnais bien là. Vous me reconnaissez? Il dit qu'il me reconnaît. Mais non, il ne t'a jamais vu. Et... Pourquoi donc me reconnaissez-vous? Mais pour un parfait galant homme. Ah, il ne m'a pas reconnu. Je suis bien sûr charmé de vous voir et de vous attendre avec impatience. Et moi avec affection. Je serais d'abord venu ici avec... Bourguignon. Mais quand on arrive de voyage, vous savez qu'on est si mal bâti. J'étais bien aise de me présenter à vous dans un état plus ragoûtant. Vous y avez parfaitement réussi. Ma fille s'habille. En attendant qu'elle descende, voulez-vous vous rafraîchir? Dis que non. Je dis que si. Je n'ai jamais refusé de trinquer avec personne. Bourguignon, prenez soin de vous, mon garçon. Ah, le gaillard est gourmé, il boira du meilleur, il en a l'habitude. Ça n'est pas comme... Ça n'est pas comme... Ça n'est pas comme... ceux qui n'en ont pas l'habitude. Qu'ils ne l'épargnent pas. Vous venez d'entendre le premier acte du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Voici immédiatement le second acte. Que veux-tu, Lisette? J'ai à vous entretenir un moment. De quoi s'agit-il? De vous dire l'état où sont les choses. Parce qu'il est important que vous en soyez éclairci afin que vous n'ayez point à vous plaindre de moi. Cela est donc bien sérieux. Oh, oui, très sérieux. Vous avez consenti au déguisement de Mademoiselle Sylvia. Moi-même, je l'ai d'abord trouvé sans conséquence, mais je me suis trompée. Et de quelles conséquences est-il donc? Monsieur, on a de la peine à se louer soi-même. Mais malgré toutes les règles de la modestie, il faut pourtant que je vous dise que si vous ne mettez ordre à ce qui arrive, votre prétendu gendre n'aura plus de cœur à donner à Mademoiselle votre fille. Il est temps qu'elle se déclare. Cela presse. Car un jour plus tard, je n'en réponds plus. Et d'où vient qu'il ne voudra plus de ma fille quand il la connaîtra? Te défies-tu de ses charmes? Non, mais ne vous méfiez pas assez des miens. Je vous avertis qu'ils vont leur train. Je ne vous conseille pas de les laisser faire. Je vous en fais mes compliments, Lisette. Oh, nous y voilà, monsieur, vous plaisantez, vous vous moquez de moi. Oh, j'en suis fâchée car vous y serez pris. Ne t'en embarrasse pas, Lisette, va ton chemin. Je vous le répète encore, le cœur de Dorande va bien vite. Tenez, actuellement, je lui plais beaucoup. Ce soir, il m'aimera. Il m'adorera demain. Oh, je ne le mérite pas, il est de mauvais goût. Vous en direz ce qu'il vous plaira, mais cela ne laissera pas que d'être. Voyez-vous, demain, je me garantis adorer. Eh bien, s'il vous aime tant, qu'il vous épouse. Quoi, vous ne l'en empêcheriez pas? Non, dame d'honneur, si tu le mènes jusque-là. Oh, monsieur, prenez-y garde. Jusqu'à présent, je n'ai pas aidé à mes appâts. Je les ai laissés faire tout seuls. J'ai ménagé sa tête. Mais si je m'emmène, je la renverse, il n'y aura plus de remède. Eh bien, renverse, ravage, brûle. Enfin, épouse, je te le permets si tu peux. Oh, sur ce pied-là, je compte ma fortune faite. Mais dis-moi, ma fille, t'a-t-elle parlé? Que pense-t-elle de son prétendu? Nous n'avons encore guère trouvé le moment de nous parler, car ce prétendu m'obsède. Mais à vue de pays, je ne la crois pas contente. Je la trouve triste, rêveuse. Je m'attends bien qu'elle me priera de leur buter. Et moi, je te le défends. J'ai mes raisons pour faire durer ce déguisement. Je veux qu'elle examine son futur plus à loisir. Mais dis-moi, le valet, comment se comporte-t-il? Ne se mêle-t-il pas d'aimer ma fille? C'est un original. J'ai remarqué qu'il fait l'homme de conséquence avec elle parce qu'il est bien fait. Il la regarde et soupire. Non, et ça la fâche. Mais elle rougit. Oh, tu te trompes. Les regards d'un valet ne l'embarrassent pas jusque-là. Monsieur, elle rougit. C'est don d'indignation. À la bonne heure. Mais elle rougit. Eh bien, si tu la vois, dis-lui que tu soupçonnes ce valet de lui parler au désavantage de son maître. Et si elle se fâche, ne t'en embarrasse pas, ce sont mes affaires. Mais voici Dorante qui te cherche, apparemment. Ah, je vous trouve, merveilleuse dame! Je vous demandais à tout le monde. Serviteur, cher beau-père, où peut s'en faut? Serviteur! Allons, mes enfants, je vous laisse. Il est bon que vous vous aimiez un peu avant que de vous marier. Ah, je ferai bien ces deux besognes-là à la fois, moi, monsieur. Moins d'impatience! Adieu! Madame, il dit que je ne m'impatiente pas. Il en parle bien à son aise, le bonhomme. J'ai de la peine à croire qu'il vous en coûte tant d'attendre, monsieur. À peine êtes-vous arrivé. C'est par galanterie que vous faites l'impatient. Votre amour ne saurait être bien fort. Ce n'est tout au plus qu'un amour naissant. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau. Votre premier coup d'œil a fait naître le mien. Le second lui a donné des forces. Et le troisième l'a rendu grand garçon. Tâchons de l'établir au plus vite. Ayez soin de lui puisque vous êtes sa mère. Trouvez-vous qu'on le maltraite? Est-il si abandonné? En attendant qu'il soit pourvu, donnez-lui seulement votre belle main blanche. Pour l'amuser un peu. Oh, tenez donc, petite importe, puisqu'on ne saurait avoir la paix qu'en vous amusant. Cher, je joue de mon arme. Ça me réjouit comme du vin délicieux. Oh, quel dommage de n'en avoir que requis. Allons, arrêtez-vous, vous êtes trop avide. Je ne demande qu'à me soutenir en attendant que je vive. Ne faut-il pas avoir de la raison? De la raison? Hélas, je l'ai perdue. Vos beaux yeux sont les filous qui me l'ont volé. Oh. Mais est-il possible que vous m'aimiez tant? Je ne saurais me le persuader. Je ne me soucie pas de ce qui est possible, moi, mais je vous aime comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste. Mon miroir ne servirait qu'à me rendre plus incrédule. Oh, mignonne adorable. Votre humilité ne serait donc une hypocrite. Quelqu'un vient à nous. C'est votre valet. Monsieur, pourrais-je vous entretenir un moment? Non. Maudite soit la valetaille qui ne saurait nous laisser en repos. Voyez ce qu'il vous veut, monsieur. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Madame, s'il en dit deux, son congé sera le troisième. Voyons. Bien, non, pertinent. Ce sont des injures et non pas des mots, cela. Ma reine, excusez. Faites. Débarrasse-moi de tout ceci. Ne te livre point, pareil sérieux et rêveur, et même mécontent. L'entends-tu? Oui, mon ami, ne vous inquiétez pas. Et retirez-vous. Bourguignon. Chapeau. Chapeau! Ah, je n'aime pas qu'on me manque. Oh, madame, sans lui, j'allais vous dire de belles choses, et je n'en trouverai plus que de communes à cette heure. Oh, mais mon amour, qui est extraordinaire. Mais à propos de mon amour, quand est-ce que le vôtre lui tiendra compagnie? Il faut espérer que cela viendra. Et croyez-vous que cela vienne bientôt? La question est vive. Savez-vous bien que vous m'embarrassez? Que voulez-vous? Je brûle et je crie au feu! S'il m'était permis de m'expliquer si vite! Je suis du sentiment que vous le pouvez sans conscience. La retenue de mon sexe ne le veut pas. Ah, ce n'est donc pas la retenue d'à présent. Elle donne bien d'autres permissions. Mais que me demandez-vous? Oh, dites-moi un petit brin que vous m'aimez. Tenez, je vous aime, moi. Faites l'écho. Répétez, princesse. Quel insatiable. Eh bien, monsieur. Eh bien, madame. Eh bien, monsieur, je vous aime. Oh. Eh bien, madame, je me meurs. Ah, mon bonheur me confond, j'ai peur d'en courir les champs. Vous m'aimez, c'est admirable. Ah. J'aurais lieu à mon tour d'être étonnée de la promptitude de votre hommage. Peut-être m'aimerez-vous moins quand nous nous connaîtrons mieux. Ah, madame, que nous en serons là, j'y perdrai beaucoup. Il y aura bien à décompter. Vous me croyez plus de qualité que je n'en ai. Vous, madame, vous ne savez pas les miennes. Je ne devrais vous parler qu'à genoux. Souvenez-vous qu'on n'est pas les maîtres de son sort. Les pères et mères font tout à leur tête. Pour moi, mon cœur vous aurait choisi dans quel état que vous eussiez été. Il a beau jeu pour me choisir encore. Puis-je me flatter que vous êtes de même à mon égard? Hélas! Quand vous ne seriez que Perrette ou Margot, quand je vous aurais vu le martinet à la main descendre à la cave, vous auriez toujours été ma princesse. Puissent de si beaux sentiments être durables. Pour les fortifier de part et d'autre, jurons-nous de nous aimer toujours en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous aurez faites sur mon compte. Je plus d'intérêt à ce serment-là que vous et je le fais de tout mon cœur. Votre bonté m'éblouit, je me prosterne devant elle. Arrêtez, je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là, je serais ridicule de vous y laisser. Levez-vous. Voilà encore quelqu'un. Que voulez-vous, Lisette? J'aurais à vous parler, madame. Ne voilà-t-il pas? Hé, hey, mamie, revenez dans un quart d'heure! Allez! Les femmes de chambre de mon pays n'entrent pas qu'on les appelle. Mais monsieur, il faut que je parle à madame. Mais voyez l'opiniâtre soubrette! Reine de ma vie, renvoyez-la. Retournez-vous-en, ma fille! Nous avons ordre de nous aimer avant qu'on nous marie. N'interrompez point nos fonctions. Ne pouvez-vous pas revenir dans un moment, Lisette? Oh, mais madame... Mais! Ce mets-là n'est bon qu'à me donner la fièvre. Oh, le vilain homme. Madame, madame, je vous assure que cela est pressé. Permettez donc que je m'en défasse. Monsieur. Puisque le diable le veut et elle aussi, patience. Je me promènerai en attendant qu'elle ait fait. Oh, les sottes gens que nos gens. Je vous trouve admirable. De ne pas le renvoyer tout d'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là. Oh, pardon, madame, je ne peux pas jouer deux rôles à la fois. Il faut que je paraisse ou la maîtresse ou la suivante, que j'obéisse ou que j'ordonne. Fort bien, mais puisqu'il n'y est plus, écoutez-moi comme votre maîtresse. Vous voyez bien que cet homme-là ne me convient point. Vous n'avez pas eu le temps de l'examiner beaucoup. Êtes-vous folle avec votre examen? Est-il nécessaire de le voir deux fois pour juger du peu de convenance? En un mot, je n'en veux point. Apparemment, mon père n'éprouve pas la répugnance qu'il me voit, car il me fuit et ne me dit mot. Eh bien, alors, cette conjoncture, c'est à vous, à me tirer tout doucement d'affaire en témoignant adroitement à ce jeune homme que, eh bien, que vous n'êtes pas dans le goût de l'épouser. Je ne saurais, madame. Vous ne sauriez? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Monsieur Orgon me l'a défendu. Et vous l'a défendu? Ah, mais je ne reconnais point mon père à ce procédé-là. Positivement, défendu. Eh bien, je vous charge de lui dire mes dégoûts et de l'assurer qu'ils sont invincibles. Je ne saurais me persuader qu'après cela, il veuille pousser les choses plus loin. Mais madame le futur, qu'a-t-il donc de si désagréable, de si rebutant? Il me déplaît, vous dis-je, votre peu de zèle aussi. Donnez-vous le temps de voir ce qu'il est, voilà tout ce qu'on vous demande. Oh, je le hais assez, sans prendre du temps pour le haïr davantage. Son valet qui fait l'important, vous aurait-il point gâté l'esprit sur son compte? Ah, la sotte. Son valet a bien affaire ici. C'est que je me méfie de lui, car il est raisonné. Oh, finissez vos portraits. On en a que faire. Mais soin, ce valet me parle peu. Et dans le peu qu'il m'a dit, il ne m'a jamais rien dit que de très sage. Je crois qu'il est homme à vous avoir conté des histoires maladroites pour faire briller son bel esprit. Mais mon déguisement, ne m'expose-t-il pas à m'entendre dire de jolies choses? À qui en avez-vous? D'où vous vient la manie d'imputer à ce garçon une répugnance à laquelle il n'a point de part? Car enfin, vous m'obligez à le justifier. Il n'est pas question de le brouiller avec son maître, il en fera un fourbe pour me faire une imbécile. Moi qui écoute ses histoires. Madame, dès que vous le défendez sur ce ton-là, et que cela va jusqu'à vous fâcher, je n'ai plus rien à dire. Dès que je me défends sur ce ton-là. Mais qu'est-ce que c'est que le ton dont vous dites cela vous-même? Qu'entendez-vous par ce discours? Que se passe-t-il dans votre esprit? Je dis, madame, que je ne vous ai jamais vu comme vous êtes et que je ne conçois rien à votre aigreur. Eh bien, si ce valet n'a rien dit à la bonne heure, il ne faut pas vous emporter pour le justifier. Je vous crois. Voilà qui est fini. Je ne m'oppose pas à la bonne opinion que vous en avez, oh, moi. Voyez-vous le mauvais esprit comme elle tourne les choses? Je me sens dans une indignation qui va jusqu'aux larmes. Mais en quoi donc, madame? Quelle finesse entendez-vous à ce que je dis? Moi, j'entends finesse. Moi, je vous querelle pour lui. J'ai bonne opinion de lui. Vous me manquez de respect jusque-là. Bonne opinion, juste ciel, bonne opinion, mais qu'est-ce que cela veut dire? À qui parlez-vous? Qu'est-ce qui est à l'abri de ce qui m'arrive? Où en sommes-nous? Je n'en sais rien. Je ne reviendrai de longtemps de la surprise où vous me jetez. Il y a des façons de parler qui me mettent hors de moi. Retirez-vous, vous m'êtes insupportable. Non, non. Laissez-moi. Je prendrai d'autres mesures. Oh. Je frissonne en

Tu ne me déplais point, cela doit te suffire. Quoi, Lisette? Si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi. Assurément. Tu ne me haïrais pas, tu me souffrirais. Volontiers, mais lève-toi. Mais tu parais le dire sérieusement, et si cela est, ma raison est perdue. Enfin, je dis ce que tu veux, tu ne te lèves point. C'est bien dommage de vous interrompre. Ça va à merveille, mes enfants, courage. Sans empêcher ce garçon de se mettre à genoux, monsieur. Je ne suis pas en état de l'imposer, je pense. Vous vous convenez parfaitement bien, tous deux. Mais j'ai un mot à te dire, Lisette, et vous reprendrez votre conversation quand nous serons partis. Vous le voulez bien, Bourguignon? Je me retire. Allez, et tâchez de parler de votre maître avec un peu plus de ménagement que vous ne faites. Moi? Vous-même, Mons Bourguignon, vous ne brillez pas trop dans le respect que vous avez pour votre maître, dit-on. Mais je ne sais ce qu'on veut dire. Eh bien, Sylvia, vous ne nous regardez point, vous avez l'air tout embarrassé. Moi, mon père? Et où serait le motif de mon embarras? Je suis grâce au ciel comme à mon ordinaire. Je suis fâchée de vous dire que c'est une idée. Il y a quelque chose, ma sœur, il y a quelque chose. Quelque chose dans votre tête, à la bonne heure, mon frère. Mais pour dans la mienne, il n'y a que l'étonnement de ce que vous dites. C'est dans ce garçon qui vient de sortir qui t'inspire l'extrême antipathie que tu as pour son maître. Qui? Le domestique de Doran? Oui, le galant Bourguignon. Le galant Bourguignon, dont je ne savais pas l'épithète. Ne me parle pas de lui. On prétend cependant que c'est lui qui le détruit auprès de toi, et c'est de quoi j'étais bien aise de te parler. Ce n'est pas la peine, mon père. Personne au monde que son maître ne m'a donné l'aversion naturelle que j'ai pour lui. Ma foi, ma soeur, tu as beau dire, un être fort pour être naturel, et quelqu'un l'y a aidé. Mais quel air mystérieux vous me dites ça, mon père? Et qui est donc ce quelqu'un qui a aidé, voyons? Dans quelle humeur es-tu, ma soeur, quand tu t'emportes? C'est que je suis bien lasse de mon personnage. Que je me serais déjà démasquée si je n'avais pas craint de fâcher mon père. Gardez-vous-en bien, ma fille. Je viens ici exprès pour vous le recommander. Puisque j'ai eu la complaisance de vous permettre ce déguisement, il faut que vous ayez celle de suspendre votre jugement sur Dorante et de voir si la version qu'on vous a donnée pour lui est légitime. N'écoutez donc pas, mon père. Je vous dis qu'on ne me l'a point donnée. Oh, quoi, ce babillard qui vient de sortir ne t'a pas un peu dégoûté de lui? Que vos discours sont désobligeants. M'a dégoûté de lui. Dégoûté. Je suis des expressions bien étranges. Je n'entends plus que des choses inouïes. Enfin, quel langage inconcevable. J'ai l'air embarrassé. Et puis, il y a quelque chose. Et puis, c'est le galant Bourguignon qui m'a dégoûté. C'est tout ce qui vous plaira, mais je n'y entends rien. Mais pour le coup, c'est toi qui es étrange. Mais à qui en as-tu donc? D'où vient que tu es si fort sur le qui-vive? Dans quelle idée nous soupçonnes-tu? Mais courage, mon frère. Par quelle fatalité aujourd'hui ne pouvez-vous me dire un mot qui me choque? Quels soupçons voulez-vous qu'ils viennent? Avez-vous les visions? Oh, il est vrai que tu es si agité que je ne te reconnais point moi-même. Ce sont apparemment ces mouvements qui sont cause que Lisette nous a parlé comme elle a fait. Elle accusait ce garçon de te parler au désavantage de son maître. Et madame, nous a-t-elle dit, l'a défendu contre moi avec tant de colère que j'en suis encore toute surprise. C'est sur ce mot de surprise que nous l'avons querellé. Mais ces gens-là ne savent pas la conséquence d'un mot. Impertinente. Y a-t-il rien de plus haïssable que cette fille-là? J'avoue que je me suis fâchée par un esprit de justice pour ce garçon. Oh, je ne vois point de mal à cela. Y a-t-il rien de plus simple? Quoi? Parce que je suis équitable, que je veux qu'on ne nuise à personne, que je veux sauver un domestique du tort qu'on peut lui faire auprès de son maître, on dit que j'ai des emportements, des fureurs dont on est surprise. Un moment après, un mauvais esprit résonne, il faut se fâcher, il faut la faire taire et prendre mon parti contre elle à cause de la conséquence de ce qu'elle dit. Mon parti? Mais j'ai donc bien besoin qu'on me défende, qu'on me justifie. On peut donc mal interpréter ce que je fais, mais que fais-je? De quoi m'accuse-t-on? Ah non, instruisez-moi, je vous en conjure. Cela est sérieux, me joue-t-on, se moque-t-on de moi? Je ne suis pas tranquille. Doucement, donc. Ah non, mon père, non, il n'y a point de douceur qui tienne. Comment on est surprise des conséquences et qu'on s'explique, que veut-on dire? On accuse ce valet et on a tort, vous vous trompez tous. Lisette est une folle, il est innocent et voilà qui est fini, pourquoi ne m'en parler encore? Je suis outrée. Tu te retiens, ma fille. J'aurais grande envie de me quereller aussi. quel malheureux. Mais faisons mieux. Il n'y a que ce valet ici qui soit suspect. Son maître n'a qu'à le renvoyer. Surtout que Lisette ne m'approche pas. Je la hais. Plus que d'or. Tu la verras si tu veux. Mais tu dois être charmé que ce garçon s'en aille, car il t'aime et ça t'importune assurément. Je n'ai point à m'en plaindre. Il me prend pour une suivante. Il me parle sur ce ton-là. Mais il ne me dit pas ce qu'il veut. J'y mets bon ordre. Tu n'en es pas tant la maîtresse que tu le dis bien. N'avons-nous pas vu se mettre à genoux malgré toi? Et n'as-tu pas été obligé pour le faire lever de lui dire qu'il ne te déplaisait point? Encore a-t-il fallu, quand tu t'as demandé si tu l'aimerais, que tu aies tendrement ajouté « Volontiers !» Oh, sans quoi il serait encore. Oh, ça, il serait encore. Oh, l'heureuse apostille, mon frère. Mais comme la sœur a gâté la répétition, on n'est pas aimable. Parlons sérieusement. Quand finira la comédie que vous vous donnez sur mon compte? La seule chose que j'exige de toi, ma fille, c'est de ne te déterminer à le renvoyer qu'en connaissance. Je vous attends un peu, tu me remercieras du délai que je te demande, je te l'assure. Tu épouseras, Laurent, et même avec inclination, je te le prédis. Mais, mon père, je vous demande grâce pour le valet. Pas grâce, et moi je veux qu'il sorte. Mais son maître en décidera. Allez, retirons. Adieu, ma soeur. Sans rancune, à mon endroit, à la bonne rancune, à la bonne rancune. Ah. Oh, que j'ai le cœur serré. Je ne sais ce qui se mêle à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure m'afflige. Je me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne. Je ne le suis pas moi-même. Ah, je te cherchais, Lisette. C'était pas la peine de me trouver, car je te fuis, moi. Non, arrête donc, Lisette, j'ai à te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes mères. Va la dire à eux-mêmes. Je ne te vois jamais, tu ne me chagrines, laisse-moi. Non, je t'en offre autant. Mais écoute-moi, te dis-je. Tu vas voir les choses bien changer de face par ce que je vais te dire. Eh bien, parle-vous. Je t'écoute, puisqu'il est arrêté que ma complaisance pour toi sera éternelle. Me promets-tu le secret? Je n'ai jamais trahi personne. Tu ne dois la confidence que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour toi. Je le crois, mais tâche de m'estimer sans me le dire, car cela sent le prétexte. Donc tu te trompes, Lisette, tu m'as promis le secret à chevaux. Tu m'as vu dans de grands mouvements. Je n'ai pu me défendre de tes rires. Nous y voilà. Je me défendrai bien de t'entendre, moi. Adieu. Reste. Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Qui es-tu donc? Ah, Lisette. C'est ici que tu vas juger des peines qu'a dû ressentir mon cœur. C'est pas ça ton cœur que je parle, c'est à toi. Personne ne vient dire. Non. L'état où sont les choses me force à te le dire. Soit. Je suis trop en état pour n'en pas arrêter le coup. Oui. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Et qui est-il donc? Un valet. Après? C'est moi qui suis Dorante. Ah, oh. Oh, je vois clair dans mon cœur. Je voulais, sous cet habit, pénétrer un peu ce que c'était que ta maîtresse avant de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait. L'événement m'en paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux, et j'aime la suivante, qui ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent? Je rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle était prise de mon valet, au point qu'elle l'épousera si on la laisse faire. Quel parti prendre? Cachons-lui qui je suis. Votre situation est neuve, assurément. Mais, monsieur, je vous fais d'abord mes excuses de tout ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier dans nos entretiens. Tais-toi, Lisette. Tes excuses me chagrinent, elles me rappellent la distance qui nous sépare et ne me la rendent que plus douloureuse. Votre attachement pour moi est-il si sérieux? M'aimez-vous jusque-là? Au point de renoncer à tout engagement, puisqu'il ne m'est pas permis d'unir mon sort au tien. Et dans cet état, la seule douceur que je pouvais goûter, c'était de croire que tu ne me haïssais pas. Un cœur qui m'a choisi dans la condition où je suis est assurément bien digne qu'on l'accepte. Et je le paierai volontiers du mien. Si je le craignais de le jeter dans un engagement qui lui ferait tort, monsieur. Mais tu penses assez de charme, Lisette. Y ajoutes-tu encore la noblesse avec laquelle tu nous parles? Mais j'entends quelqu'un, je crois. Patientez encore sur l'article de votre valet. Les choses n'iront pas si vite, nous nous reverrons. Et nous chercherons les moyens de vous tirer l'affaire. Je suivrai tes conseils. Ah non! Oh, j'avais grand besoin que ce fût là, Dorante. Ah, je viens t'en prouver, ma sœur. Nous t'avons laissé dans la petite bouche. Je veux t'en tirer, va. Ah, maman! que c'est? C'est le point bourguignon, mon frère. C'est Dorant. Mais duquel parlez-vous donc? Mais de lui, vous dites. Je viens d'apprendre tout à l'heure, il sort, il me l'a dit lui-même. Mais qui donc? Non mais vous ne m'entendez donc pas? Si j'y comprends rien, je vais mourir. Venez, sortons. Allons trouver mon père, il faut qu'il le sache. Oh, j'aurais besoin de vous aussi, mon frère. Oh oui, il me vient de nouvelles idées. Il faudra feindre de m'aimer. Vous en avez déjà dit quelque chose en badinant, mais surtout... Oh, surtout, gardez bien le secret. Je le garderai bien, car je ne sais ce que c'est. Ah non, on n'est jamais rien arrivé d'égal à cela. Je prie le ciel qu'un extra... C'était le deuxième acte du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Vous allez pouvoir écouter maintenant le troisième et dernier acte. Hélas, monsieur, mon très honoré maître, je vous en conjure. Encore ? Ayez compassion de ma bonne aventure, ne portez point guignon à mon bonheur qui va s'entrer ainsi en demande. Ne lui fermez point le passage. Mais allons donc, misérable, je crois que tu te moques de moi. Tu mériterais 100 coups de bâton. Je ne les refuse pas si je les mérite. Et quand je les aurai reçus, permettez-moi d'en mériter d'autres. Voulez-vous que je cherche le bâton ? Non ! La reçoit, mais ça n'est pas contraire à faire fortune. Ce coquin, mais quelle imagination lui prend ? Coquin est encore bon, il me convient aussi. Un marron n'est pas déshonoré d'être appelé coquin. Et un coquin peut faire un bon mariage. Comment, insolent ? Tu veux que je laisse un honnête homme dans l'erreur ? Et que je souffre que tu épouses sa fille sous mon nom ? Écoute-moi. Si tu me parles encore de cette impertinence-là, dès que j'aurai averti M. Orgon de ce que tu es, je te chasse, entends-tu ? Accommodons-nous. Cette demoiselle m'adore. Elle m'idolâtre. Si je lui dis mon état de valet, et que nonobstant son tendre cœur soit toujours friand de la noce avec moi, ne laisserez-vous pas jouer les violons ? Dès qu'on te connaîtra, je ne m'en embarrasse plus. Bon ! Je vais de ce pas prévenir cette généreuse personne sur mon habit de caractère. J'espère que ce ne sera pas un galon de couleur qui nous brouillera ensemble, et que son amour me fera passer à la table, en dépit du sort qui m'a mis qu'au buffet. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui m'y est arrivé à moi-même, est incroyable. Je voudrais pourtant bien voir Lisette. Et savoir le succès de ce qu'elle m'a promis de faire auprès de sa maîtresse pour me tirer d'embarras. Allons voir si je pourrais la trouver seule. Arrêtez, bourguignon. J'ai un mot à vous dire. Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur ? Vous en comptez, Alizette. Elle est si aimable qu'on aurait de la peine à ne lui pas parler d'amour. Comment reçoit-elle ce que vous lui dites ? Monsieur, elle en badine. Tu as de l'esprit, ne fais-tu pas l'hypocrite ? Non. Qu'est-ce que cela vous fait ? Supposez que Lisette eut du goût pour moi. Du goût pour lui ? Mais où prenez-vous vos termes ? Vous avez le langage bien précieux pour un garçon de votre espèce. Monsieur, je ne saurais parler autrement. C'est apparemment avec ces petites délicatesses-là que vous attaquez Lisette. Cela imite l'homme de condition. Je vous assure, monsieur, que je n'imite personne. Mais sans doute, vous ne venez pas tout exprès pour me traiter de ridicule. Et vous aviez autre chose à me dire. Nous parlions de Lisette. De mon inclination pour elle et de l'intérêt que vous y prenez. Comment, morbleu ? Il y a déjà un ton de jalousie dans ce que tu me réponds ? Mais modère-toi un peu ! Eh bien, je me disais qu'en supposant que Lisette eut du goût pour toi, après... Pourquoi faudrait-il que vous le sachiez, monsieur ? Ah, le voici. Oui, c'est que malgré le ton badin que j'ai pris tantôt, je serais très fâché qu'elle t'aimât. Oui, c'est que sans autre raisonnement... Je te défends de t'adresser davantage à elle. Non pas que dans le fond je craigne qu'elle t'aime. Elle me paraît avoir le cœur trop haut pour cela. Mais c'est qu'il me déplaît à moi d'avoir Bourguignon pour rival. Ma foi, je vous crois, car Bourguignon, tout Bourguignon qu'il est, n'est pas même content que vous soyez le sien. Il prendra patience. Il faudra bien. Mais monsieur, vous l'aimez donc beaucoup ? Assez. Enfin, pour m'attacher sérieusement à elle. Dès que j'aurai pris de certaines mesures. Comprends-tu ce que cela signifie ? Oui, oui, je crois que je suis au fait. Et sur ce pied-là, vous êtes aimé, sans doute ? Eh bien, qu'en penses-tu ? Est-ce que je ne vaux pas la peine de l'être ? Vous ne vous attendez pas à être loué par vos propres rivaux, peut-être ? Oh, la réponse est de bon sens, je te la pardonne. Mais je suis bien mortifié de ne pouvoir pas dire qu'on m'aime. Je ne le dis pas pour t'en rendre compte, comme tu me crois bien. Mais c'est qu'il faut dire la vérité. Vous m'étonnez, monsieur. Lisette ne sait donc pas vos desseins ? Lisette sait tout le bien que je lui veux et n'y paraît pas sensible. Mais j'espère que la raison me gagnera son cœur. Adieu. Retire-toi sans bruit. Ta livrée n'est pas propre à faire pencher la balance en ta faveur. Tu n'es pas fait pour lutter contre moi. Ah, te voilà, Lisette. Qu'avez-vous, monsieur? Vous me paraissez ému. Non, ce n'est rien. Disais un mot à Bourguignon. Il est triste. Est-ce que vous le querelliez? Monsieur m'apprend qu'il vous aime, Lisette. Ce n'est pas ma faute. Il me défend de vous aimer. Il me défend donc de vous paraître aimable. Mais je ne saurais empêcher qu'il ne t'aime, belle Lisette, mais je ne veux pas qu'il te le dise. Oh, il ne me le dit plus, il ne fait que me le répéter. Oh, du moins, ne te répétera-t-il pas quand je serai présent? Par où tirez-vous, Bourguignon? J'attends qu'elle me l'ordonne. Encore? Il dit qu'il attend. Ayez donc patience, monsieur. Avez-vous de l'inclination? Monsieur, quoi, de l'amour? Oh, je crois qu'il ne sera pas nécessaire qu'on me le défende. Ne me trompez-vous pas? En vérité, je joue ici un joli personnage. Enfin, qu'il parte donc. À qu'est-ce que je parle? À Bourguignon, voilà tout. Eh bien, qu'il s'en là? C'est lui, puisqu'il se fâche. Vous ne demandez peut-être pas mieux. Allons, allons, finissons, mon garçon. Ne m'aviez pas dit cet amour-là, Lisette. Oh, si je n'aimais pas ce garçon-là, avoue que je serais bien ingrate. Parlez-vous, Marie. Oh, de la colère de Dorande qui sort, il faut que j'ai obligé une petite Lisette. Mais que vous a-t-il dit dans le petit entretien que vous avez eu tête à tête avec lui? Je n'ai jamais vu d'homme ni plus intrigué, ni plus de mauvaise humeur. Oh, je ne suis pas fâché qu'il soit la dupe de son propre stratagème. Quoi qu'elle bien prenne, il n'y a rien de plus plaisant que tout ce que tu as fait pour lui jusqu'ici. Mais en voilà assez. Mais où en est-il précisément, ma sœur? Ah, hélas, mon frère, je vous avoue que j'ai lieu d'être contente. Hélas, mon frère, dit-elle. Sentez-vous cette paix douce qui se mêle à ce qu'elle dit? Quoi, ma fille, tu crois qu'il ira jusqu'à t'offrir sa main sous le déguisement où te voilà? Mais oui, mon cher père, je l'espère. Fripone que tu es avec ton cher père. Ah, tu ne grondes plus maintenant, tu nous dis des douceurs. Vous ne passez rien. Oh, je prends ma revanche. Tu m'as tantôt chicané sur mes expressions. Il faut bien qu'à mon tour, je badine un peu sur les tiennes. Ta joie est bien aussi divertissante que l'était ton inquiétude. Vous n'aurez point à vous plaindre de moi, ma fille. J'acquiesce à tout ce qui vous plaît. Oh, monsieur, si vous saviez combien je vous aurais d'obligations. Dorante et moi, nous sommes destinés l'un à l'autre. Il doit m'épouser. Si vous saviez combien je lui tiendrais compte de ce qu'il fait aujourd'hui pour moi, combien mon cœur gardera le souvenir de l'excès de tendresse qu'il me montre, si vous saviez combien tout ceci va rendre notre union aimable. Il ne pourra jamais se rappeler notre histoire sans m'aimer. Je n'y songerai jamais que je ne l'aime. Vous avez fondé notre bonheur pour la vie en me laissant faire cet mariage unique. C'est une aventure dont le seul récit est attendrissant. C'est le coup de hasard, le plus heureux, le plus singulier. Que mon cœur a le caquet. Quelle éloquence! Ah, il faut dire avec le régal que tu t'as donné charmant, surtout si tu achètes. Mais cela vaut fait. Dorante est vaincue. J'attends mon parti. Ses fers seront plus dorés qu'il ne pense. Mais je lui crois là, mon père. J'ai pitié de ce qu'il souffre. Ce qui lui en coûte à se déterminer ne me le rend que plus estimable. Il pense qu'il chagrinera son père en m'épousant. Il pourra trahir sa fortune et sa naissance. Voilà de grands sujets de réflexion. Je serai charmée de triompher, mais il faut que j'arrache ma victoire et non pas qu'il me la donne. Je veux un combat entre l'amour et la raison. Et que la raison y périsse. C'est-à-dire que tu veux qu'il sente toute l'étendue de l'impertinence qu'il croira faire. Oui. Quelle insatiable vanité d'amour propre. Oh, cela, c'est l'amour propre d'une femme. Il est une des plus unies. Mais voici Lisette, voyons ce qu'elle nous veut. Monsieur, vous m'avez dit tantôt que vous m'abandonniez Dorante, que vous livriez sa tête à ma discrétion. Je vous ai pris au mot, j'ai travaillé comme pour moi, et vous verrez de l'ouvrage bien fait. Allez, c'est une tête bien conditionnée. Mais que voulez-vous que j'en fasse à présent, madame? Me le sait-elle? Ma fille, encore une fois, n'y prétendez-vous rien? Non, non, Lisette, je te le donne. Je te remets tous mes droits. Et pour dire comme toi, je ne prendrai jamais le pari à un cœur que je n'aurais pas conditionné moi-même. Toi, vous voulez bien que je l'épouse, monsieur veut bien aussi. Mais oui, qu'il s'accommode, pourquoi t'aimes-tu? J'y consens aussi, moi. Et moi aussi, et je vous en remercie tous. Attends, attends, j'y mets pourtant une petite restriction. C'est qu'il faudrait, pour nous disculper de ce qui arrivera, que tu lui dises un peu qui tu es. Mais si je le lui dis un peu, il le saura tout à fait. Eh bien, cette tête en si bon état ne supportera-t-elle pas cette secousse-là? Je ne crois pas des caractères assez farouches. Le voici qui nous cherche. Ayez la bonté de laisser le chemin. Il s'agit ici de mon chef d'œuvre. C'est juste, adieu. C'était tout mon cœur. Allons, allons. Enfin, ma reine, je vous vois. Et je ne vous quitte plus.

Ah non, non, non. Et vous me le répétez si souvent que je vous crois. Mais pourquoi m'en persuadez-vous? Que voulez-vous que je fasse de cette pensée-là, monsieur? Je vais vous parler à cœur ouvert. Vous m'aimez. Mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous. Que de ressources n'avez-vous pas pour vous en défaire? La distance qu'il y a de vous à moi, mille objets que vous allez trouver sur votre chemin, l'envie qu'on aura de vous rendre sensible, les amusements d'un homme de votre condition, tout, tout va vous ôter cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement. Vous en rirez peut-être au sortir d'ici et vous aurez raison. Mais moi, monsieur, si je m'en souviens, comme j'en ai peur, s'il m'a frappé, quel secours aurais-je contre l'impression qu'il m'aura faite? Qui est-ce qui me dédommagera de votre perte? Qui voulez-vous que mon cœur mette à votre place? Mais savez-vous bien que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde ne me toucherait plus. Jugez donc l'état où je resterai. Ayez la générosité de me cacher votre amour. Moi qui vous parle, je me ferais un scrupule de vous dire que je vous aime dans les dispositions où vous êtes. L'aveu de mes sentiments pourrait exposer votre raison. Et vous voyez bien aussi que je vous les cache. Oh, ma chère Lisette, que viens-je d'entendre? Tes paroles ont un feu qui me pénètre. Je t'adore, je te respecte. Il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaisse devant une âme comme la tienne. J'aurais honte que mon orgueil teinte encore contre toi. Et mon cœur et ma main t'appartiennent. Oh, vérité! Ne mériteriez-vous pas que je les prisse? Ne faut-il pas être bien généreuse pour vous dissimuler le plaisir qu'ils me font? Et croyez-vous que ça puisse durer? Vous m'aimez donc? Non. Non. Non, mais si vous me le demandez encore, tant pis pour vous. Mais vos menaces ne me font point de peur. Eh bien, et Mario, vous n'y songez non plus? Non, Lisette, Mario ne m'alarme pas. Vous ne l'aimez plus, vous ne pouvez plus me tromper, vous êtes sensible à ma tendresse. Je ne serai en doute au transport qui m'a pris, j'en suis sûr. Vous ne sauriez plus m'ôter cette certitude-là. Je n'y tâcherai point. Gardez-la, nous verrons ce que vous en ferez. Ne consentez-vous pas d'être à moi? Quoi? Vous m'épouserez malgré ce que vous êtes? Malgré la colère d'un père? Malgré votre fortune? Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Ma fortune nous suffit à tous deux. Et le mérite vaut bien la naissance. Ne disputons point, car je ne changerai jamais. Il ne changera jamais. Savez-vous bien que vous me charmez, Laurent? Ne gênez donc plus votre tendresse et laissez-la répondre. Enfin, j'en suis venue à bout. Mais vous ne changerez jamais? Non, ma chère Lisette. Que d'amour. Ah, que d'amour. Ah, mon père! Vous avez voulu que je fusse adorante. Venez voir votre fille, vous obéir avec plus de joie qu'on n'en eut jamais. Mais qu'entends-je? Vous, son père? Oui, Laurent, la même idée de nous connaître nous est venue à tous deux. Connaissez-vous cette lettre? Voilà par où j'ai appris votre déguisement, qu'elle n'a pourtant su que par vous. Oh, je ne saurais vous exprimer mon bonheur, madame. Mais ce qui m'enchante le plus, ce sont les preuves que je vous ai données de ma tendresse. Dorante, me pardonne-t-il la colère où j'ai mis Bourguignon? Il ne vous la pardonne pas, il vous en remercie. Place, place à la coiffeuse de madame. De la joie, madame, vous avez perdu votre rang, mais vous n'êtes point à plaindre. Puisque Pascal vous reste. Belle consolation, il n'y a que toi qui gagne à cela. Ah, je n'y perds pas. Avant votre connaissance, votre dot valait mieux que vous. À présent, il vaut mieux que ta dot. Allons, saute, marquis. D'entendre par transmission différée, diffusée de la Comédie Française Salle Richelieu à Paris, Le jeu de l'amour et du hasard, trois actes de Marivaux, avec le concours de Maurice Escande, Jean Piat, Pierre Gallon, Bernard Deran, avec Gisèle Casadesu, Moni Dalmès et Monsieur Trancourt. Mise en scène de Maurice Escande. Mesdames, Messieurs, nous interrompons quelques instants notre transmission pour vous permettre d'écouter nos informations. Après quoi, Vous entendrez une comédie de Molière, Georges Dandin. Voici nos studios. Nous voici à nouveau à la Comédie Française, salle Richelieu à Paris. Vous allez entendre à présent Georges Dandin, une comédie en trois actes en prose de Molière. Décor de Suzanne Raymond. En voici l'interprétation. Jacques Servière, monsieur de Sottenville. Michel Galabru, Georges Dandin. Jean-Paul Roussillon, Lubin. Paul Gers, Clitandre. Berthe Bovy, madame de Sottenville. Claude Winter, Angélique. Javotte Lehmann, Claudine. Et Jacques Rameau, Colin. Mise en scène de Georges Chamarin. Le décor représente une place publique. Qu'une femme demoiselle est une étrange affaire et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier, comme j'ai fait, à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne. C'est une chose considérable, assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens et connais le style des nobles lorsqu'ils nous font, nous autres, entrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec nos personnes. C'est notre bien seul qu'ils épousent. Et j'aurais mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie plutôt que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom, pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Georges Dandin, Georges Dandin, vous avez fait une sottise, la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable à présent, et je n'y rentre point sans y trouver quelques chagrins. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi ? Là, un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Il se doute de quelque chose. Oui, il a grand peine à saluer. Ah, j'ai peur qu'il n'a dit qu'il m'ait vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur. Vous n'êtes pas d'ici, que je crois. Non, non, je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Hé, hey, dites-moi un peu, vous venez de là-dedans. Comment? Hé, hey, quoi donc, tu? Non, ça, il faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Pourquoi? Mon Dieu, parle. Des encouragements. J'ai peur qu'on ne nous écoute. Point, point. On sait que je viens de parler à la maîtresse du logis de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux et il ne faut pas qu'on sache cela. Non, attendez-vous? Oh, oui, oui. Non, voilà la raison. On m'a enchargé de prendre garde à ce que personne ne me vit. Oh, je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Oh, je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement comme on m'a recommandé. Bien, c'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Et il ferait le diable à quatre islam à ses oreilles, vous comprenez bien? Je vois bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper, et tout doucement. Non, vous entendez bien? Ah, le mieux du monde. Et si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire, vous comprenez bien? Assurément. Hé! Comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de... De choses. Enfin, je ne me souviens jamais comment diant il baragouine ce nom-là. Monsieur Clitandre. Et ce jeune courtisan qui demeure... Oui, oui, auprès de César. Ah, c'est pour ça que ce damoiseau poli s'est vu loger contre moi. J'avais bon nez sans doute et son voisinage m'avait déjà donné quelques soupçons. Ah, Tétiguet, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Ah, voyez s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien. Et ce qui est au prix de cela une journée de travail, où je ne gagne que 10 sols. Eh bien, vous avez fait votre message? Oui, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudie, qui tout du premier coup a compris ce que je voulais, et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Coquine de cerveau. Oh, mordienne, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié. Il ne tiendra qu'à elle que soyons mariés ensemble. Et ça... quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire... Attendez, je ne sais si je me souviendrai bien de tout cela. Qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle... Et qu'à cause de son mari, qui est fantasque, qu'il garde d'en rien faire paraître, et qu'il faudra songer à chercher quelque invention pour se pouvoir entretenir tout de suite. Ah, bon, non, non, ça sera drôle, car le mari ne se doutera point de la manigance. Voilà ce qui est bon. Et il aura un pied de nez avec sa jalousie, quoi, n'est-ce pas? C'est vrai. Adieu. Bouche cousue, au moins. Oui, oui. Non, gardez bien le secret, afin que le mari, il ne sache pas. Pour moi, je m'en vais faire semblant de rien. Je suis un fin à toi. On dirait pas que j'ai tout. Eh bien. Eh bien, Georges Dandin, vous voyez de quel air votre femme vous traite. Voilà ce que c'est que d'avoir voulu épouser une demoiselle. On vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger, et la gentilhommerie vous tient les bras liés. L'égalité de conditions laisse du moins l'honneur, la liberté de ressentiment. Si c'était une paysanne, vous auriez maintenant toutes vos coups de France à vous en faire la justice à bon coup de bâton. Mais vous avez voulu tenter de la noblesse. Et vous ennuyez d'être maître chez vous. J'en rase de bon cœur, je me donnerais volontiers des soufflets. Et quoi, écouter impudemment l'amour d'un damoiseau et y promettre en même temps de la correspondance? Morbleu, ah, je ne vais pas laisser passer une occasion de la sorte, et je vais faire de ce pas mes plaintes au père et à la mère, et les rendre témoins à telle fin que de raison des sujets de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne. Ah! Mais les voici l'un et l'autre, fort à propos. Qu'est-ce, mon gendre? Vous me paraissez tout troublé. Aussi, anneige du sujet et... Mon Dieu, notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai d'autres sujets en tête et... Encore? Ne vous détourez-vous jamais de la familiarité de ce mot de ma belle-mère? Ne seriez-vous vous accoutumer à me dire madame? Mais parbleu, si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition. Que tout notre gendre que vous soyez, il y ait de grandes différences de vous à moi et que vous devez vous connaître. Mais c'en est assez, m'amour. Laissons cela. Mon Dieu, monsieur de Sotteville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Corbleu, pardonnez-moi, on ne peut pas me faire de leçons là-dessus. Et j'ai su montrer en ma vie, par 20 actions de vigueur, que je ne suis point un homme à démordre jamais d'un pouce de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné un petit avertissement. Et sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut donc parler catégoriquement, je vous dirai, monsieur de Sotteville... Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom. Et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur tout court. Eh bien, monsieur Toco, et non plus monsieur de Sotteville, j'ai à vous dire que ma femme... T'as tout beau, tout beau. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. Je rage. Comment? Ma femme n'est pas ma femme. Oui, notre gendre, elle est votre femme. Mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Georges Dandin, où t'es-tu fourré? Et de grâce, madame, mettez pour un moment votre gentilhommerie à côté et souffrez que je vous parle comme je pourrais. Au diantre sous la tyrannie de toutes ces histoires. Je vous dis que je suis mal satisfait de mon mariage. La raison, mon gendre? Quoi? Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame? Puisque madame, il y a. L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous, car sans moi, avec votre permission, vos affaires étaient fort délabrées et mon argent a servi à emboucher d'assez bons trous. Mais moi, de quoi ai-je profité, je vous prie, que d'un allongement de nom et au lieu de Georges Dandin, d'avoir reçu par vous le titre de monsieur de la Dandinière?

de l'épée dans le ventre. Mais soutenez donc la chose. Elle est toute soutenue, c'est vrai. Est-ce votre gendre, monsieur, qui vous a... Mais oui, c'est lui-même qui s'en est plaint à moi. Certes, il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir. Et sans cela, je lui apprendrai bien à tenir de pareils discours d'une personne comme moi. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire, en présence de tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment l'aurais-je dit? Est-ce que cela est? On doit bien le voir, vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y, je vous en prie, vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir. À tous les détours des amants. Essayez un peu par plaisir à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement de petits billets doux, à écrire les moments que mon mari n'y sera pas ou le temps que je sortirai pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir. Je vous promets que vous serez reçu comme il faut. Hé là là, madame, tout doucement. Il n'est pas nécessaire de me faire tant de leçons et de vous tant scandaliser. Qui vous dit que je songe à vous aimer? Que sais-je, moi, ce que l'on vient me conduire ici? On dira ce que l'on voudra, mais vous savez si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Vous n'aviez qu'à le faire, vous seriez bienvenu. Je vous assure qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre. Que je ne suis point homme à donner du chagrin aux belles, et que je vous respecte trop, et vous, et messieurs vos parents, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Eh bien, vous le voyez. Eh bien, mon gendre, vous voilà satisfait, que dites-vous à cela? Mais je dis que ce sont là des contes à dormir debout. Que je sais bien ce que je sais, et que tantôt, puisqu'il faut parler net, elle a reçu une ambassade de chacun. Une ambassade? Je vous dis, une ambassade? Claudine! Est-il vrai? Par ma foi, voilà une étrange fausseté. Taisez-vous! Caronne que vous êtes, je sais de vos nouvelles et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Oh, oui, vous, ne faites pas tant la sucrée. Oh, hélas, que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté, de m'aller soupçonner ainsi, moi, qui suis l'innocence même. Taisez-vous, bonne pièce, vous faites la sournoise. Mais je vous connais il y a longtemps et vous êtes une dessalée. Taisez-vous, je vous dis, vous pourriez bien porter la fourchère à toutes ces histoires. Et vous n'avez point de père sans fiole. Oh, c'est une imposture si grande qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Oh, cela est bien horrible d'être accusée par un mari auquel on ne fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. Et plus au ciel que je fusse capable de souffrir, comme il dit, les galanteries de quelqu'un. Je ne serais pas tant à plaindre. Adieu. Je me retire et je ne peux plus supporter qu'on outrage cette sorte. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Oui, par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais à sa place, je n'y marcherais pas. Oui, monsieur, vous devez, pour le punir, faire l'amour à ma maîtresse. Poussez, c'est moi qui vous le dis. Ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Songez à mieux traiter une demoiselle bien-née. Et prenez garde désormais de pareil bébé. Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses, et votre procédé met tout le monde contre vous. Je rage de mon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Monsieur, vous voyez comme j'ai été faussement accusé. Vous êtes homme qui savait les maximes du point d'honneur, et je vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. Mais cela est juste, et c'est l'ordre des procédés. Allons, mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Comment satisfaction? Oui, cela se doit dans les règles, pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose dont je ne demeure pas d'accord de l'avoir à tort accusé, et je sais bien ce que j'en pense. Il n'importe! Quelque pensée qui vous puisse rester, il a nié. C'est satisfaire les personnes. Et l'on n'a nul droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. C'est bien donc que si je le trouvais couché avec la femme, il en serait quitte pour se dédier. Ah, mais point de raisonnement, n'est-ce pas? Faites les excuses que je vous dis. Moi, je lui ferai des excuses, après. Allons, vous dites, il n'y a rien à balancer. Et vous n'avez que faire d'avoir peur de votre affaire, puisque c'est moi qui vous conduis. Je ne saurai pas. Ah, comble mon gendre. Ne me chauffez pas la ville. Je me mettrai avec lui contre vous. Alors, laissez-vous gouverner par moi. Georges Dantin. Votre bonnet à la main, le premier. Monsieur est gentilhomme et vous ne l'êtes pas. Répétez après moi. Monsieur. Monsieur. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de croire. Et je vous prie de croire. que je suis votre serviteur. Voulez-vous que je sois serviteur d'un homme qui veut me faire cocu? Il suffit, monsieur. Non. Je veux qu'il achève et que tout aille dans les formes. Que je suis votre serviteur. Je suis votre serviteur. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur et je ne songe plus à ce qui s'est passé. Pour vous, monsieur, je vous donne le bonjour et je suis fâché du petit chagrin que vous avez eu. Je vous baise les mains, monsieur. Et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de courant lièvre. C'est trop de grâce que vous me faites. Et voilà, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu. Sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui et ne souffrira pas que l'on vous fasse aucun affront. Venez, maman. Vous l'avez voulu? Vous l'avez voulu, Georges Dardin? Vous l'avez voulu? Cela vous sied fort bien, vous voilà accommodé comme il faut, et vous avez justement ce que vous avez mérité. Allons, il s'agit de désabuser le père et la mère, et je pourrai peut-être trouver quelques moyens d'y réussir. Vous venez d'entendre le premier acte de Georges Dandin de Molière. Voici maintenant le second acte. Ah bah pas de ma faille, j'en ai touché qu'un petit mot en passant à un homme, afin qu'il dit pas qu'il m'avait vu sortir. Il faut que les gens, ce pays-ci, soient de bien grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur. Ah. Il s'est allé servir là d'un homme bien chanceux. Eh bien, va, une autre fois, je serai plus fin et je prendrai mieux garde à moi. Oui, il sera temps. Allez, ne parlons pas de ça, écoute. Que veux-tu que j'écoute? Ah, bah, tourne un peu ton visage de vers moi. Eh bien, qu'est-ce? Claudine. Quoi? Hello. C'est-tu pas bien ce que je veux dire? Non. Morgué, je t'aime. Tout bon? Oui, le diable m'emporte. Hey, tu peux m'en croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Oh, je me sens tout tribouillé le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Mais comment est-ce que tu fais pour être si jolie? Je fais comme les autres. Vois-tu, il ne faut point ton beurre pour faire un carteron. Si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari et je serai tous deux mari et femme. Tu seras peut-être jaloux comme notre mère. Point. Ah, pour moi, je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un qui s'épouvante de rien. Un si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. C'est la plus sotte chose du monde que de se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire. Et qu'en n'y gagnant rien de bon, cela vous fait songer à mal. Et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, va, je te donnerai la liberté de faire tout ce qui te plaît. Wow. Ah. Eh bien, voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Et il en est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent « prenez ». Nous en usons honnêtement et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et nous ne les épargnons pas. Eh bien, va, faites ceux qui ouvrent leur bourse. Et ta carte mariée avec moi? Eh bien, nous verrons. Bah viens donc ici, Claudine. Que veux-tu? Ah bah viens te dire. Ah, doucement, je n'aime pas les papiers. Eh, hey, oui, mais un petit brin d'amitié. Je n'entends pas. Mon Claudine. Oh, que tu es rude, la pauvre Jean. Fils-là est malhonnête de refuser les pertes. N'as-tu pas de honte d'être belle et vouloir pas qu'on te carbe? Je devrais sur le nez. Oh, la farouche, la sauvage, fille, point. La vilaine, t'es cruelle. Ah, tu t'émancipes trop. Mais qu'est-ce que ça te coûterait de me laisser un peu faire? Il faut que tu te donnes patience. Une un petit baiser seulement, rabattant sur notre mariage. C'est votre serment. Claudine, je t'en prie, sur les temps, moi. J'ai déjà été attrapée. Adieu, va-t'en. Et dis à monsieur le vicomte que je reçois à le rendre son billet. Adieu, beauté rue d'Arnière. Amoureux. Adieu, rochers, cailloux, pierres de taille, et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Je vais remettre aux mains de ma maîtresse. La voici avec son mari. Éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. Non. On ne m'abuse pas avec tant de facilité. Et je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense

Gardez de vous tromper. N'allez point faire comme tantôt. Mon Dieu, vous allez voir. Tenez, ai-je menti? Oh! Oh! Oh! Adieu. J'ai peur qu'on nous surprenne ici et j'ai quelques mesures à garder. Promettez-moi donc, madame, que je pourrai vous parler cette nuit. J'y ferai mes efforts. Approchons-nous doucement par derrière et tâchons de n'être point vus. Ah, madame, tout est perdu. Voilà votre père et votre mère accompagnés de votre mari. Ciel. Ne faites pas semblant de rien et me laissez faire tous deux. Quoi? Vous osez en user de la sorte après l'affaire de Ganto? Et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments? On me vient rapporter que vous avez de l'amour pour moi, que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne mon dépit et m'explique à vous clairement en présence de tout le monde. Vous niez hautement la chose et me donnez serment de n'avoir aucune intention de m'offenser. Et cependant, le même jour, vous avez la hardiesse de venir chez moi me rendre visite, de me dire que vous m'aimez et de me faire sans son compte pour me persuader de répondre à vos extravagances, comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari et m'écarter jamais de la vertu que mes parents m'ont enseignée. Si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter ses entreprises. Mais une honnête femme ne me prend pas là. Je n'ai garde de lui en bien dire. Et je veux vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage pour me venger de l'affront qu'on me fait. L'action que vous avez faite n'est pas un gentilhomme. Et ce n'est pas un gentilhomme aussi que je me voudrais. Oui, ma fille. Et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres un digne rejeton de la maison de Sotainville. Viens ça, approche-toi, que je t'embrasse. Embrasse-moi aussi, ma fille, las. Je pleure de joie et reconnais mon sang aux choses que tu viens de faire. Mon gendre, que vous devez être ravi et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez un juste sujet de vous alarmer, mais voilà vos soupçons dissipés le plus avantageusement du monde. Sans doute, notre gendre, et vous devez maintenant être le plus content des hommes. Assurément. Ah, voilà une femme, celle-là. Vous êtes trop heureux de la voir. Et vous devriez baiser les pas où elle passe. Traîtresse ! Qu'est-ce, mon gendre ? Que ne remerciez-vous un peu votre femme de l'amitié que vous voyez qu'elle montre pour vous ? Non, mon père, il n'est pas nécessaire. Il n'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi-même. Mais où allez-vous, ma fille? Je me retire, mon père, pour ne me voir point obligée de recevoir ses compliments. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée. Mais vous ne la traitez pas comme vous devez. C'est là! C'est un petit sentiment de l'affaire de tantôt. Et cela passera avec un peu de caresse que vous lui ferez. Adieu. Vous voilà en état de ne vous plus inquiéter. Allez vous en faire la paix ensemble. Et tâchez de l'apaiser par les excuses de votre emportement. Vous devez considérer que c'est une jeune fille élevée à la vertu et qui n'est point accoutumée à se voir soupçonnée d'aucune vilaine action. Adieu. Je suis ravie de voir vos désordres finis et des transports de joie que vous doit donner sa compagne. Je ne dis mot, car je ne gagnerai rien à parler, et il ne s'est jamais rien vu d'égal à ma disgrâce, oui. J'admire mon malheur et la subtile adresse de ma corne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Est-il possible que toujours j'aurai du dessous avec elle, que les événements tourneront toujours contre moi et que je ne parviendrai pas à convaincre mon effronté? Au ciel, seconde mes desseins et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. C'était le deuxième acte de Georges Dandin de Molière. Vous allez pouvoir écouter immédiatement le troisième et dernier acte. Que oui. Morgue, fait une sorte de chinois que ça. Elle a tort, assurément. Mais Si d'un côté elle nous empêche de voir, elle empêche de l'autre que nous ne soyons vus. Ah, vous avez raison. Elle n'a pas tant de tort. Je voudrais bien savoir, monsieur, vous qui êtes savant, pourquoi est-ce qu'il ne fait point jour la nuit? Ah, c'est une grande question qui est difficile. Tu es curieux, Lubin? Oui. Si j'avais étudié, j'aurais été songer des choses dont on n'a jamais songé. Je le crois. Tu as la mine d'avoir l'esprit subtil et pénétrant. Cela est vrai? Non. Tenez, j'explique du latin, quoique je l'ai jamais appris. Et voyant l'autre jour écrit sur une grande porte « Collegium », je devinais tout de suite, ça voulait dire « collège ». Ça est admirable. Tu sais donc lire, Lubin? Oui. Je sais lire la lettre moulée, mais j'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Nous voici contre la maison. Chut, c'est le signal que m'a donné Claudine. Oh, pas de ma foi, c'est une fille qui vaut de l'argent et je l'aime de tout mon cœur. Si t'es jamais avec moi pour l'entreprise. Oh, monsieur, je vous dis. J'entends quelques bruits. Claudine! Eh bien, laisse la porte entrouverte. La clé est faite. Ce sont elles. Hé, psst, hé, psst. Madame. Quoi? Claudine! Oh, madame, que j'ai de joie. Oh, Claudine, ma pauvre Claudine! Bon, Lubin! Monsieur! Est-ce donc toi, Claudine? Oui! Êtes-vous, madame? Oui! Vous avez pris l'une pour l'autre. Oh, ben, ma foi, la nuit, on y voit goutte. Reste un petit temps. Oui, madame. Mon mari ronfle comme il faut et j'ai pris ce temps pour nous entretenir. Cherchons quelques lieux pour nous asseoir. C'est fort bien avisé. Claudine! Où est-ce que tu es? J'ai entendu descendre ma femme et je me suis vite habillé pour descendre après elle. Où peut-elle être allée? Serait-elle sortie? Où es-tu donc? Claudie! Claudine est... Ah! Te voilà! Par ma foi, ton maître est plaisamment attrapé. Et je trouve ceci aussi drôle que les coups de bâton de tantôt dont on m'a fait récit. Ta maîtresse dit qu'il ronfle à cette heure, comme tous les diantres. Et il sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Elle voudrait bien savoir quel songe il fait maintenant. Elle est tout à fait ridicule. De quoi s'avise-t-il aussi d'être jaloux de sa femme et de vouloir qu'elle soit lui tout seul? C'est un impertinent. Et monsieur le vicomte lui fait trop d'honneur. Tu ne dis mot? Claudie? Alors, suivons-les. Et me donne ta petite menotte. Que je la baise. Que cela est doux. Il me semble que je mange des confitures. Oh, tu dis quand vous y allez, une petite monote un peu bien rude. Qui va là? Personne. Il fuit et me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Colin! Colin! Colin! Oh, monsieur! Allons vite, ici-bas. Il faut que sans tarder, j'envoie appeler son père et sa mère et que cette aventure me serve à me faire séparer. Me voilà, monsieur. On peut pas plus vite. Tu es là? Oui, monsieur. Thank you.

Et ma consolation, c'est que je vais être vengé et que votre père et votre mère seront convaincus maintenant de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre conduite. Je les ai envoyés quérir et ils vont être ici dans un moment. Monsieur, madame. Ah, Colin, Colin. Voilà un coup sans doute où vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe. J'ai de quoi mettre à bas votre orgueil et détruire vos artifices. Jusqu'ici, vous avez déjoué mes accusations, ébloui vos parents et plâtré vos malversations. J'ai eu beau voir et beau dire, et votre adresse toujours l'a emporté sur mon bon droit, et toujours vous avez trouvé moyen d'avoir raison. Mais à cette fois, que merci, les choses vont être éclaircies et votre effronterie sera pleinement confrontée. Non, je vous en prie, faites-moi ouvrir la porte. Non. Il faut attendre la venue de ceux que j'ai mentés. Et je veux qu'il vous trouve dehors à la belle heure qu'il est. En attendant, songez, si vous voulez, à chercher dans votre tête quelques nouveaux détours pour vous tirer de cette affaire, à inventer quelques nouveaux moyens de rhabiller votre escapade, à trouver quelques belles ruses pour éluder ici les gens et paraître innocente, quelques prétextes spécieux de pèlerinage nocturne ou d'amis en travail d'enfant que vous veniez de secourir. Oh non, mon intention n'est pas de vous rien déguiser. Je ne prétends pas me défendre ni vous nier les choses puisque vous les savez. C'est que vous voyez bien que tous les moyens vous en sont fermés et que dans cette affaire-ci, vous ne sauriez inventer d'excuses qu'il ne me soit facile de convaincre de fausseté. Oui, je confesse que j'ai tort et que vous avez raison de vous plaindre. Mais je vous demande par grâce de ne m'exposer point maintenant à la mauvaise humeur de mes parents et de me faire promptement ouvrir. Je vous baise les mains. Non, petit mari, je vous en conjure. Votre pauvre petit mari, je suis votre pauvre petit mari maintenant, parce que vous vous sentez prise. Je suis bien aise de cela et vous ne vous étiez jamais avisé de me dire de ces douceurs. Oh, tenez, je vous promets de ne plus vous donner aucun sujet de déplaisir et de me faire... Vous ne dites rien. Je ne veux point perdre cette aventure, il m'importe qu'on soit une fois à fond éclairci de vos déportements. Mais de grâce, laissez-moi vous dire, je vous demande un moment d'audience. Eh bien, quoi? Il est vrai que j'ai failli. Je vous l'avoue encore une fois, que votre ressentiment est juste, que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez, et que cette sortie est un rendez-vous que j'ai donné à la personne que vous dites. Ah. Mais enfin, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge, des emportements de jeunes personnes qui n'ont encore rien vu et qui ne fait que d'entrer au monde, des libertés où l'on s'abandonne sans y penser de mal, et qui sans doute dans le fond n'ont rien de... Vous le dites? Et ce sont ces choses qui ont besoin qu'on les croie pieusement. Mais je ne veux point par là m'excuser d'être coupable envers vous, mais je vous prie seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur, et de m'épargner en cette rencontre le déplaisir que me pourrait causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir me gagnera entièrement. Elle touchera tout à fait mon cœur et il fera naître pour vous ce que tout le pouvoir de mes parents et les liens du mariage n'avaient pu y jeter. Elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries et n'aurai de l'attachement que pour vous. Oh oui, oui, je vous promets que vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde et que je vous témoignerai tant d'amitié, que vous en serez satisfait. Crocodile qui flatte les gens pour les étrangler. Accordez-moi cette faveur. Point d'affaire, je suis inexorable. Montrez-vous généreux. De grâce. Point. Je vous en conjure de tout. Non, je veux qu'on soit détrompé de vous et que votre confusion éclate. Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Et que ferez-vous, s'il vous plaît? Mon cœur se portera jusqu'à la dernière extrémité. Et de ce couteau que voici, je me tuerai sur la place. Ah, à la bonne heure. Oh, pas tant à la bonne heure pour vous que vous imaginez. On sait de tous côtés nos différends et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Quand on me trouvera morte, il n'y aura personne qui ne mette en doute que ce ne soit vous qui m'aurez tuée. Et mes parents, assurément, ne sont pas gens à laisser cette mort impunie. Et ils en font sur votre personne toute la punition que leur pourront offrir et les poursuites de la justice et la chaleur de leur ressentiment. C'est par là que je trouverai moyen de me venger de vous. Et je ne serai pas la première qui a su recourir à de pareilles vengeances, qui n'ait pas fait difficulté de se donner la mort pour perdre ceux qui ont la cruauté de nous pousser à la dernière extrémité. Je suis votre valet, on ne s'avise plus de se tuer soi-même et la mode en est passée il y a longtemps. C'est une chose dont vous pouvez vous tenir sûr. Et si vous persistez dans votre refus, si vous ne me faites ouvrir, je vous jure que je vous ferai voir tout à l'heure jusqu'où peut aller la résolution d'une personne qu'on met au désespoir. Bagatelle, c'est pour me faire peur. Eh bien, est-ce qu'il le faut, c'est qu'il nous contentera tous deux. Il montrera si je me moque. Oh, c'en est fait. Fasse le ciel que ma mort soit vengée comme je le souhaite, et que celui qui en est cause reçoive un juste châtiment de la dureté qui qu'il a eu pour moi. Oh. Oui. Serait-elle si malicieuse que de s'être tuée pour me faire peindre? Prenons un bout de chandelle pour aller voir. Rangeons chacun immédiatement d'un côté de la porte. La méchanceté d'une femme irait-elle bien jusque-là? La femme de Dandin et la servante sont rentrées dans la maison. Pendant que Georges Dandin cherche une lumière à la main où peut se trouver le corps de sa femme qu'il croit avoir tué. Et je m'en étais bien douté. Et la pandarde s'est retirée, voyant qu'elle ne gagnait rien après moi, ni par prière, ni par menace. Tant mieux. Cela rendra ses affaires encore plus mauvaises. Et le père et la mère qui vont venir, elle en verront mieux son crime. La porte s'est fermée. Oh, la porte s'est fermée. La porte s'est fermée. Oh là ! Quelqu'un ! Qu'on ouvre promptement ! Comment ? C'est toi ? D'où viens-tu, bon bandard ? Est-il l'heure de rentrer chez soi lorsque le jour est prêt de paraître ? Et cette manière de vie est-elle celle que doit suivre un honnête mari ? Cela est-il beau d'aller y frogner toute la nuit et de laisser ainsi toute seule une pauvre jeune femme dans la maison ? Comment vous savez ? Ah, traître, je suis lâche du département. Et je veux m'en plaindre sans plus tarder à mon père et à ma mère. Quoi ? C'est ainsi que vous osez ? Approchez de grâce. Et venez me rendre raison de l'insolence la plus grande qui soit. D'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la cervelle qu'il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Et vous a lui-même envoyé guérir pour vous rendre témoin de l'extravagance la plus étrange dont on n'ait jamais pu parler. Voilà qui revient, comme vous voyez, après s'être fait attendre toute la nuit. Et si vous voulez l'écouter, il vous dira que j'ai les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi. Que durant qu'il dormait, je me suis dérobée auprès de lui pour m'en aller courir. Et sans autre compte de même manière qu'il est allé rêver. Voilà le sang de Carole ! Il nous a voulu faire croire qu'il était dans la maison et que nous en étions dehors. Et c'est une folie qu'il n'y a pas moyen de monter la tête. Comment ? Que veut dire cela ? Voilà une furieuse impudence que de nous envoyer guérir. Jamais. Non, non, non, mon père, je ne peux plus supporter un mari de la sorte. Ma patience est poussée à bout. Il vient de me dire sans paroles injurieuses. Corbleu ! Vous êtes un malhonnête homme ! C'est donc une conscience de voir une pauvre jeune femme traitée de la façon et sacrée vengeance au ciel. Putain ! Allez, vous devriez mourir de honte. Laissez-moi vous dire. Vous n'avez qu'à l'écouter, pas de l'autre côté. Je désespère. Il a tant bu que je ne pense pas qu'on puisse durer contre lui. Et l'odeur du vin qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Monsieur mon beau-père, je vous mais jurez-vous, vous puez le vin à pleine bouche. Madame, je vous prie. Fille, ne m'approchez pas, votre haleine est empêchée. Souffrez, Péan, retirez-vous, vous dites, je ne saurais vous souffrir. Permettez de grâce. Vous m'engloutissez le cœur, parlez de loin, si vous voulez. Eh bien oui, oui, oui, je parle de loin, je parle de loin. Je vous jure que je l'ai bougé de chez moi et que c'est elle qui est sortie. Ne la dites pas ce que je vous ai dit. Vous voyez quelle apparence il y a. Allez, vous vous moquez des gens. Descendez, ma fille, et venez ici. J'atteste que j'étais dans la maison et que... C'est une extravagance qui n'est pas sûre. Mais que la foule mettra. Non, on ne peut pas davantage la tête. Et songez à demander pardon à votre femme. Moi ? Demandez pardon ? Oui, pardon, et sur le champ. Je crois que... Ah, corbleu ! Si vous m'aurez répliqué, je vous apprendrai ce que c'est que de vous jouer à nous. Oh, Georges Dandin. Allons, approchez, ma fille, et venez ici. Que votre mari vous demande pardon. Moi ? Lui pardonner tout ce qu'il m'a dit, Anne. Il m'est impossible de m'y résoudre. Je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Le moyen est résister. Ma fille, de semblables séparations ne se font pas sans grand scandale. Et vous devez vous montrer plus sage que lui et patienter encore cette fois. Comment ? Patienter après de telles indignités ? Oh non, mon père. C'est une chose que je ne puis consentir. Ah, il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche. Et vous avez sur moi une puissance absolue. Oh, quelle douceur ! Il est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles injures, mais quelques violences que je me fasse. C'est à moi de vous obéir. Oh, pauvre mouton ! Allons, approchez ! Tout ce que vous me faites faire ne servira de rien. Vous verrez que ce sera dès demain. Comment mais nous y donnerons ordre. Allons, mettez-vous à genoux. À genoux ? Oui, à genoux, et sans tarder. Oh, mon ciel. Oh. Que faut-il dire ? Madame, je vous prie de me pardonner. Madame, je vous prie de me pardonner. L'extravagance que j'ai faite. L'extravagance que j'ai faite de vous épouser. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez-y garde. Et songez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Joue de Dieu. Si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à ceux de qui elle sort. Voilà le jour qui va paraître. Rentrez chez vous et songez bien à être sage. Et nous, m'amour, allons nous mettre au lit. Je le quitte maintenant et je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on a, comme moi, épousé une méchante femme, le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau, la tête la première. Mesdames, messieurs, c'était une comédie de Molière, Georges Dandin, que vous venez d'entendre avec le concours de Jacques Serpierre, Michel Galabru, Jean-Paul Roussillon, Paul Gers, avec Berthe Bovy, Claude Winter, Javotte Lehmann et Jacques Rameau. Mise en scène de Georges Chamarat. En première partie de notre transmission différée, diffusée de la Comédie Française, salle Richelieu à Paris, vous avez entendu Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Nous vous rappelons qu'au début du spectacle, M. Edmond C. vous a présenté notre transmission.